de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, ce qui reste, les mille et une vies de nos objets, une série de Laetitia Druard réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a ce truc dont on se demande pourquoi on le garde ou dont on ne sait plus très bien comment il est arrivé là, ou encore ces vieux vêtements qui sentent le renfermer et qu'on trouve en tas sur les stands des friperies. Alors, pour commencer, les personnages. Une ancienne glaneuse, des biffins, un ferrailleur et son fils, un historien des chiffons, un sociologue qui fait le tri, un grutier et des chiffonniers. Ensuite, le décor. Des décharges, des maisons vides, des camions, la rue, des balances, des crochets, des friperies et des poubelles. Aujourd'hui, premier épisode, on trimballe des bidules. Quelle enquête ? Non, non, la table. Oh. Voilà. Bon. Après, on friera celle-là, je crois que ça, c'est vide. Ah, et là, c'est ça? Oui. Vous êtes ancienne biffine, on dit biffine? Oui, biffine, ancien biffine. Maintenant, salarié, l'association améliore. Qu'est-ce que ça veut dire, biffine? C'est la galère. Biffine, c'est la galère parce qu'on est obligé de marcher toute la journée, de récupérer des objets, des vêtements, chaussures, de la roue, les poubelles, les gens qui font des combrons, tout ça. Et après, de passer sur le marché puce pour les vendre. Voilà, et après, bon, quand on ouvrit cette association, on avait la chance de vendre sur le marché de la Croix-Chavaux. Et vous avez fait ça pendant combien de temps? Presque 5 ans. Surtout le Paris, surtout les communes limitrophes, comme on dit, de 93, partout. On avait des zones qui, on sait les jours quand ils sortaient les poubelles pour faire les combrantes et tout ça. Comment vous récoltiez les objets? Avec un chariot à pied, comme ça. Et au marché, ça vous rapportait combien de revendre? Pas beaucoup. Et, 100, 150, et des jours qui ont pu gagner même 300. Ça dépend de qu'est-ce que tu trouves. Ils sont en bon état, propres, voilà, qui fonctionnent. Et qu'est-ce que vous trouviez en général? Des vêtements, chaussures, objets pour les cuisines, électroménagères, des trucs comme ça. C'est beaucoup de choses. Après, nettoyer, bien présenter pour la vendre, pour gagner un petit peu d'argent. Tous les jours, vous alliez chercher les objets? Oui, tous les jours, du matin jusqu'au soir, on passe. Et après, les jours de marché, on est passé de vendredi jusqu'à lundi sur les marchés de Clignancourt, Montreuil, partout. Et j'avais la famille qui ont fait ça. On est des amis, voilà, on fait tous. Parce qu'on était obligés, on n'avait pas de revenus ici en France, on n'avait rien, on est obligés pour vivre. Et comme ça, on a ramassé tout, qu'est-ce qu'on trouvait qu'il est bon, et on peut le revendre ou recycler. Je vous en prie. Le temps des chiffonniers. Chaque année, la ville de Paris récupère près de 100 000 tonnes d'objets encombrants. Des sommiers, des canapés, des cuisinières et des lave-vaisselle, des planches en bois, des palettes. Ces encombrants, ou ces monstres comme les nomment aussi les Parisiens, sont brûlés à 92%. Mais avant le passage du service de la mairie, quelques petites mains viennent jeter un œil à ces tas qui apparaissent et disparaissent sur les trottoirs de la ville. Des entrepreneurs invisibles du recyclage, que Samuel Lecoeur, président de l'association Améliore, appellent les biffins. Ces biffins récupérateurs seraient 20 millions dans le monde et 60% des matériaux recyclés viendraient de leur travail informel. C'est qui les biffins? Les biffins, c'est un métier qui est reconnu depuis 800 ans comme métier de France, depuis la première répertoriation sous Saint-Louis. C'est chiffonnier ferrailleur en fait, et pucier. Les biffins, c'est ceux qui ont géré les rebuts de la ville de Paris depuis 1000 ans. Quel est le quotidien alors d'un biffin? C'est partir dans la rue, selon des itinéraires des fois établis, des fois au petit bonheur la chance. Beaucoup de biffins vont dans des quartiers plus riches, dans le 16e, au centre de Paris, pour faire les poubelles et collecter des choses qu'ils vont revendre dans les quartiers populaires, là où les gens en ont besoin. Donc il y a des gens qui partent à pied, avec un petit caddie. Il y a des personnes qui partent en camionnette ou en camion faire les encombrants des villes. Des gens qui habitent dans des HLM, dont les gens savent qu'ils vont vendre au marché. Donc du coup, ses voisins leur donnent des choses à vendre. Il y a des gens qui ont des tournées au centre de Paris où des commerçants les connaissent. Donc du coup, ils leur donnent des choses. Donc il y a une solidarité par le don vis-à-vis des biffins. Et sur les marchés, les gens achètent, quoi, de manière assez naturelle aussi, des produits d'occasion. Donc c'est lié aussi au temps. Alors s'il pleut, c'est plus compliqué de sortir dans la rue. Ça dépend aussi de certains jours. Il y a des biffins qui sortent plutôt le lundi, puisque les gens ont eu le temps de faire les poubelles le week-end, donc les poubelles sont plus remplies. Il y a dans chaque poubelle un objet à revendre quasiment. Donc voilà, Paris étant une ville très dense, le gisement de biens de réemploi est centralisé quoi, en quelque sorte, et à chaque poubelle, tous les 5 mètres, quoi, il y a quelque chose à récupérer. Voilà, donc c'est ça le travail des biffins. C'est souvent un travail qui est choisi dans l'urgence, mais de fait, il y a des personnes qui font ça toute leur vie. Voilà, il y a des personnes retraitées, des personnes au RSA, des personnes sans papier, en attente de régularisation, et qui, pour avoir une activité sociale, pour avoir un rôle et puis pour gagner un peu d'argent, récupère et vend. Et alors aujourd'hui, normalement c'était jour de marché. Ouais. Quelle est la situation La situation est assez triste parce qu'en fait on se rend compte du coup le marché est annulé pour des raisons de confinement. En fait en France, il n'y a aucun marchand d'occasion ou de produits manufacturés qui a le droit de vendre sur les marchés en ce moment. Je crois que la Fédération nationale des marchés de France fédère 145 000 vendeurs ambulants ou sédentaires de produits manufacturés en France qui n'ont pas de travail. D'où ça vient ce mot biffin ? La biffe, c'est une étoffe moyenâgeuse qui date de la première révolution industrielle du textile. La France, les régions ont commencé à produire énormément de textiles. Et il y avait un textile un peu pauvre, quoi, une sorte de feutre, qui s'appelait la biffe. Le chiffonnier a été appelé argotiquement le biffin, ou plutôt son crochet, l'outil avec lequel il ramassait les choses pour leur mettre dans leur hotte derrière, s'appelait la biffe. L'outil est devenu la biffe, et le travailleur avec son outil est devenu le biffin. Donc c'est une déformation argotique, quoi, populaire. La biffe aussi, c'est l'activité de récupération gratuite et de revente. Par exemple, il y a beaucoup de corporations qui font de la biffe, notamment les plombiers. Les plombiers récupèrent le laiton, l'inox, tout ce qu'ils peuvent lors des chantiers et vont le vendre à l'industrie. Donc ça, c'est la biffe. Tout le problème avec les déchets, c'est que il n'y a pas de définition stable. Les déchets ne trouvent une définition juridique que très tardivement, dans les années 70. En France, en 1975, on associe le déchet au produit d'un abandon, au fait d'abandonner quelque chose, une quantité de matière, ou d'en avoir l'intention. Cette définition du déchet comme produit d'un abandon, en fait, elle est héritière d'un long processus de domestication de matière dont on ne sait plus quoi faire. On est face à un concept, à une notion très mouvante, mais qui a, au fil du temps, reçu un certain nombre de définitions ponctuelles. Et c'est ces définitions ponctuelles qui vont avoir une influence considérable sur la façon dont on les gère, on les traite aujourd'hui, ces déchets qui sont effectivement omniprésents. Je peux vous donner la définition du déchet telle qu'elle apparaît dans le Code de l'environnement. Le déchet, c'est toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Ça, c'est la définition, j'allais dire, légale du mot déchet. Et donc ce déchet, finalement, c'est ce qui vous encombre. c'est ce produit dont vous n'avez plus l'utilisation et dont vous devez vous défaire parce que ben, vous n'avez pas la capacité de le stocker, de le garder chez vous, et vous n'avez pas l'intention, parce que vous ne voyez pas par vous-même ce que vous pourriez en faire. Et ce déchet, finalement, c'est la mine de l'activité de la récupération recyclage. Alors, pour rester sur cette thématique de la définition, moi j'aime bien montrer que pour chaque approche disciplinaire, il y a une façon d'approcher le déchet. Pour les biologistes, par exemple, le déchet, c'est un signe évident ou un signe, une preuve de vie. Ou pour le dire autrement, tout organisme vivant qui ne produirait plus de déchets, qui ne produirait plus de restes, serait, pour ainsi dire, mort. Pour certains économistes, le déchet, c'est précisément ce qui n'arrive pas à être comptabilisé dans l'échange commercial. C'est une quantité de matière à valeur nulle, ce qui a à la fois un coût pour l'activité productive, mais qui ne trouve pas sa place dans les processus de production à moyen ou court terme. Baptiste Mont-Saint-Jean, sociologue et auteur du livre « Homo detritus ». Jusqu'au tournant du 19e siècle, l'idée d'abandonner de la matière pour rien, bah, c'est quasiment inexistant. Hein. Tout ce qui est là, qui gît dans l'espace urbain, peut être, va être réutilisé, transformé, ramassé. Alors, ne serait-ce que par la faune qui vit dans la ville. Hein. On a dans les grandes villes européennes encore des poules, des cochons, parfois des vaches dans l'espace urbain et qui participent comme ça à une logique synergique, une sorte d'écosystème urbain intégré. Et puis il y a tout le travail de récupération des chiffonniers, des paysans périurbains qui viennent récupérer notamment les boues urbaines, les vidanges, pour produire du compost, des engrais. Et il y a une bascule effectivement qui s'effectue à la fin du 19e siècle pour des raisons sanitaires. Et en absence de plastique, ces déchets organiques qui en putréfaction dans l'espace urbain vont être accusés d'être à l'origine notamment des grandes épidémies qui sévissent dans l'Europe du Nord à cette époque-là. Et c'est à partir de ce moment de bascule où le déchet devient un danger qu'on voit apparaître ces pratiques de mise au rebut qui sont absolument pas évidentes. Hein. On voit qu'il faut au moins 50 ans pour que les Parisiens, notamment, s'habituent à mettre leurs déchets dans une poubelle qu'ils referment. 50 ans, c'est long. La rupture, elle est vraiment là. Elle est pas tant dans l'objet technique. Alors, symboliquement, on peut dire qu'effectivement, comme je le dis de temps en temps, la poubelle, c'est le berceau d'Homo detritus. C'est le moment où on invente cette logique de l'abandon de la matière. Mais pas tant pour l'objet en tant que tel que pour les pratiques qui en découlent. Et les pratiques qui en découlent, elles sont simples. C'est cette logique de récupération par des tiers qui ne sont ni des artisans, ni des paysans, ni des chiffonniers, mais en l'occurrence des employés, bien souvent des municipalités, qui dès la fin du 19e, début du 20e siècle, vont se charger de récupérer ces poubelles, de les mettre sur des charrettes et d'aller les déverser dans des grands trous qu'on va nommer des charges. L'idée de remplir des trous jusqu'à saturation, c'est quelque chose qui, pour ainsi dire, n'existe pas jusqu'au tournant du 19e et du 20e siècle. Tu as rêvé de belles brises dans les gants jetés des marquises. Pâques-Bas, le chiffonnier. Alors, le chiffonnier au 19e siècle, c'est pas un métier nouveau au 19e siècle, mais il prend un essor considérable. C'est un métier très organisé, avec toute une hiérarchie, avec des gens qui vont centraliser ces premiers tris, puis les retrier. Et en fait, on a dans tout Paris une sorte de chaîne de tri. Manuel Charpie, chargé de recherche à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Avec des lieux très vastes où on va vraiment trier dans le détail, enfin à la fois réunir et trier. Je pense notamment rue de Crimée, il y a un immense bâtiment qui est encore là dans les années 1890 et très actif. Et vous avez un étage réservé au tri des chiffons, un étage réservé au tri du verre, un étage pour les os d'animaux. Et c'est ce qu'on a gardé collectivement un peu dans l'imaginaire. Ces chiffonniers s'installent notamment dans toute la périphérie directe de Paris, qui est cette zone qui a été qui était un glacis militaire, qui a été petit à petit abandonné comme glacis militaire, et où en fait, ce sont les puces aujourd'hui, hein, globalement, et où les chiffonniers se sont installés, souvent dans des maisons qu'on appellerait des bidonvilles. L'activité du chiffonnage, donc, c'est vraiment trier les ordures qui sont vidées dans la rue, en fait, pendant très longtemps, en gros jusqu'en 1884, hein, jusqu'au préfet poubelle. Les ordures sont un peu posées de ci, de là. Qu'est-ce qu'on récupère j'allais dire presque tout. En fait, ce qu'il faut se dire au 19e siècle, c'est qu'on récupère tout, pas du tout par conscience écologique, mais parce qu'il y a toute une industrie qui se développe. Mais en fait, les deux marchent ensemble. On aurait l'idée d'un chiffonnage archaïque et puis à côté d'une industrie. En fait, les deux fonctionnent très bien ensemble. On a besoin de tout un tas de matières premières qu'on va trouver dans les déchets. Donc, qu'est-ce qu'on récupère ? Les chiffons, d'abord. Il y a toute une gamme aussi assez précise. Il y a d'abord ce qu'on appelle le chiffon bourgeois. L'expression est assez géniale. Le chiffon bourgeois, c'est en gros soit des vêtements, mais on en trouve en fait très peu dans les ordures. Hein. Les gens jettent pas leurs vêtements. Mais c'est plutôt les morceaux de tissu suffisamment beaux pour les utiliser, notamment pour astiquer l'argenterie, pour etc. Enfin voilà, en gros, qui peuvent être utilisés comme beaux chiffons. On a ensuite le chiffon ordinaire, le bout de tissu. Et alors là, on en a une consommation énorme. On a complètement perdu ça de vue parce qu'au siècle de l'industrie, il faut graisser les machines, il faut les essuyer, il faut les entretenir. Donc on a une grosse consommation pour la mécanique. La révolution industrielle en cours, enfin les révolutions industrielles sont très mécaniques. Donc on a besoin constamment de chiffons. Et puis évidemment, c'est plus connu parce que c'est aussi plus séduisant, poétique, littéraire. Une partie des chiffons sont récupérés pour faire du papier. Et c'est très très central dans l'économie du 19e siècle. On récupère en fait surtout le coton et le lin. Les autres matières, on n'arrive pas à faire du papier. Et ce coton et cela, on va les transformer en pâte à papier et pour faire ce qu'on appelle le papier chiffon. Et en fait, c'est la matière première. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il n'y a pas d'autre matière pour faire du papier. En tout cas, jusque dans les années 1870, il faut du chiffon. Et puis, les autres bouts de tissu qui traînent, notamment la laine, les très très mauvais morceaux vont pendant très longtemps servir à faire de l'engrais. En fait, pourri, ça fait du bon engrais. Notamment pour le houblon. Donc, il y a déjà toute une économie autour des bouts de tissu. Les autres choses qu'on trouve dans les poubelles et qu'on va trier sont notamment les os qui sont très importants. Bah, les restes de repas, hein, véritablement. Les beaux os vont vers la tabletterie, vers l'artisanat ou l'industrie de la tabletterie. Donc, on va en faire des peignes, on peut en faire des dominos, on peut en faire des boutons, on peut en faire, voilà, il y a toute une petite industrie, y compris de l'article de Paris, des bibelots, on va dire. On va s'en servir aussi pour faire de la colle, voilà, donc on va dissoudre les os et en faire de la colle. Et puis, on va s'en servir pour faire du noir minéral, et l'industrie en a énormément besoin, c'est-à-dire qu'on calcine à trop de température les os. Mais il sert en fait surtout, et assez étonnamment, à la clarification des liqueurs, et notamment du sucre. C'est clarifié avec ces os calcinés et puis on rajoute par-dessus du sang de bœuf récupéré à la Villette pour coaguler ça. Et c'est comme ça qu'on produit du sucre blanc au 19e siècle. Donc vous voyez, là, il y a des circuits industriels assez, enfin à la fois complexes et très bien structurés. Donc à la fin, peu de choses échappent à ce tri, en fait. Voilà, toute cette chaîne de tri. Le jour a servi des teignoirs, braque-balle, tatin-bol. Servi des témoins aux étoiles fatiguées, brinque-balle, chiffonnier. Les chiffonniers, on va dire qu'ils ont un rôle central dans la mise en circulation des matériaux et ils vont, notamment autour d'industrie papetière, contribuer à la première industrialisation de l'Europe, notamment. Alors on sait aujourd'hui que cette profession, elle est effectivement issue d'une forme de pauvreté assez extrême, mais en même temps, l'activité de chiffonnage permet à toute une catégorie de population de se sortir d'une sorte de misère. Les chiffonniers tirent une certaine fierté, voire une grande fierté, à gagner en autonomie, en glanant, en récupérant ce qui reste de la vie bourgeoise, en un sens. Et on assiste à des success stories, pour le dire comme ça, de chiffonniers qui sont des coureurs au départ, qui effectivement passent de pied de porte ou pied d'immeuble en pied d'immeuble, et qui vont de fil en aiguille s'enrichir grâce à ce travail de récupération. Donc, si le chiffonnier est aussi emblématique de la vie urbaine du 19e siècle, c'est qu'il est très présent hein, ils sont nombreux. En fait, on estime, alors à la louche, hein, que à la fin du 19e siècle en France, il y avait environ 500 000 chiffonniers qui se revendiquaient de cette profession-là. Il suffit de descendre dans la rue pour en croiser, hein, pour ainsi dire. Chose qui est extrêmement intéressante puisqu'ils participent aussi de la mise en visibilité de ces déchets. Hein, donc de cette coprésence entre les populations, les habitants et le reste. Chose qui a radicalement changé au XXe siècle. Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'on a derrière nous, Didier Alors, Monnier ? Le document ici présent, c'est notre arrêté préfectoral qui date de 1862, autorisant mon aïeul, le sieur Monnier, à établir rue de la Salverte à Rennes un atelier de pose et chiffon. À faire du recyclage, déjà du recyclage à l'époque, puisqu'il travaillait essentiellement les peaux de lapin. Et c'est donc mon aïeul qui a émigré, entre guillemets, de la région de Clermont-Ferrand pour venir travailler à Rennes. Il est arrivé en 1942, et je pense qu'il a dû travailler sans autorisation pendant quelques années, et après il était chercher une autorisation. C'était un travail, on récupérait les os, la corne, on récupérait la mie de pain et les croûtes de pain aussi, ce qui n'était pas très très hygiénique, mais ça permettait de faire de la chapelure avec du pain qui venait grosso modo des poubelles, chose qu'on ferait plus trop maintenant. Mais bon, il récupérait un petit peu de ferraille, un petit peu de métaux et aussi des peaux de lapin, des peaux, ce qu'on appelait dans le jargon des sauvagines, c'est-à-dire des peaux de renard, des peaux de fouine, des peaux de loutre, de martre, des peaux d'animaux. Et avec les peaux de lapin, par exemple, on faisait des chapeaux en feutre. On faisait du manteau un petit peu, mais pas trop, mais surtout des chapeaux en feutre. Votre aïeul était chiffonnier ? Oui, mon aïeul était chiffonnier, oui, tout à fait. Est-ce que vous aussi, vous êtes chiffonnier ? Alors, moi, je dis souvent que mon grand-père était marchand de peau de lapin, mon père était ferrailleur et moi, je suis recycleur. C'est une évolution de langage. Le métier a bien sûr changé, mais la base, c'est toujours la même. C'est prendre un déchet pour en faire une matière première. Ce qui évite d'utiliser les matières premières qu'on trouve dans la nature. Vous pouvez faire ça avec tous les métaux que vous preniez, du cuivre, du zinc, de l'inox, n'importe quoi, vous pouvez refaire un nouveau métal. Et pourquoi, selon vous, c'est des entreprises familiales ? C'est un métier qui se... Je sais pas. Ça a été toujours de père en fils, hein. Moi, je suis la 6e génération et mon fils qui est dans le bureau d'à côté en est la 7e, bien sûr. Moi, ma famille, je pense qu'elle a émigré de Saint-Aliris-Montagne parce que ils crevaient la faim dans les monts d'Auvergne en 1850, quoi. Je pense que c'est ça qui les a motivés à partir. Il est vrai aussi que nous, on a toujours fait quelque chose que les autres ne voulaient pas faire. Et aussi, une partie de notre métier est fait par ce qu'on appelle des forains, des SDF, qui sont des gens qui voyagent beaucoup pour aller de porte en porte, de maison en maison, essayer de gratter un peu de ferraille, un peu de ceci, un peu de cela, quoi. Avant, il y a 30 ans, 40 ans, les gens faisaient ce qu'on appelait dans le jargon les jailles, ça veut dire les espèces de terrains dans lesquels les communes allaient jeter un peu de déchets et ils essayaient de récupérer 3 morceaux de ferraille. Bon, ça maintenant c'est terminé puisque les communes n'ont plus d'espèces de dépôts de déchets et que tout est beaucoup mieux organisé. Donc maintenant, la seule solution pour ces personnes qui en ont fait leur métier, c'est d'aller dans les entreprises et essayer de récupérer les déchets. Allez, dites-moi. Alors, est-ce que vous pouvez déjà me dire où est-ce qu'on se trouve, André ? Oui, on est chez moi, là. Jacques André, je suis ferrailleur, recycleur. On est dans la campagne, à Saint-Ernin. Donc, c'est à côté de Carré, c'est paisible. Et j'ai mes clients tout autour de la région, quoi. Ça, ce sera ma maison. Je suis en train de poser un permis de construire pour refaire la maison. Après, là-bas, c'est ma fille qui vit à la caravane, et là, c'est mon beau-père. Après, on fait partie des gens de voyage, oui, mais ici, les gens nous connaissent. Les paysans à côté, ils viennent nous rendre service, on rend service, et voilà, quoi. Et vous êtes du coup un voyageur qui s'est sédentarisé voilà. Depuis... Ça fait 3 ans. Alors, vous montrez un peu votre... Bon, là, ça, c'est un stock de platin. Vous verrez, il y a le camion grue qui va venir charger. Bon, j'ai fait partir toute la ferraille, que j'étais obligé que le cours est un peu plus haut, donc on est obligé de la faire partir un peu. Et après là-bas, j'ai un tas d'inox, vous voyez. Derrière, j'ai quelques batteries, un peu d'alu, un peu de zinc, un peu de laiton. Voilà, c'est le stock qu'on fait un peu, quoi. Et donc devant voilà. Nous, on a, alors il y a un vélo. Ouais, il y a des vélos, il y a des cumulus, des machines à laver, des frigos, une voiture. vous avez la un voiture peu... là, elle oui, est... Oui, c'est pour elle la destruction. Est... Et alors, vous avez trouvé ça où? Chez les clients. Je débarrasse et après j'ai mes grosses usines. Là, hier, vous arrêtez là hier, j'ai débarrassé à Briec, Intermarché. Et voilà, c'est les clients qui sont chez moi, quoi. Moi, mon activité principale, c'est les magasins. Et vous prenez quoi là-bas? Vous arrivez, vous prenez quoi? Quand ils ferment les magasins, c'est moi qui démonte tout dedans. Ça veut dire tous les rayonnages, les frigos, il faut dépolluer, il faut enlever l'huile, il faut enfin tout ça qu'il y a dedans, quoi. Après, on démonte, on nous dit, vous pouvez démonter toute la ferraille, c'est à vous, donc on achète les lots, ou ils nous donnent, quand ils sont pressés, ils nous donnent la ferraille, et voilà. Quel travail ça demande? C'est-à-dire, vous allez sur place? Ça demande sur place, des fois il faut démonter, des fois il faut couper, des fois il faut chalumer, après il faut charger, c'est quand même du boulot, quoi. Là, je stocke chez moi quand la ferraille, elle est basse, et dès qu'elle remonte un peu, on livre. Ça veut dire quoi quand la ferraille elle est quand le cours de la ferraille. Mettons, il y a 3 mois en arrière, elle était à 50 euros. Là, elle est à 80 euros le platin. Donc, on va livrer. Il y a 30 euros de plus. C'est pas grand-chose, mais sur 10 tonnes, ça fait 300 euros. Quoi. Faut pas croire qu'on gagne 10 millions, que ce serait faux. Moi, j'arrive à me sortir un salaire de 1800, 2000 euros par mois. Quoi. Donc aujourd'hui, on va livrer? Oui. Vous faites ça depuis combien de temps, André? Ça va faire 30 ans. Je suis né dedans, quoi. Donc, dans votre famille? On est tous ferrailleurs. Là, j'ai mon frère qui est dans le Midi, il est ferrailleur aussi. Et votre père? Mon père, il n'est plus là maintenant, il est décédé. Et à l'époque, il était ferrailleur. Est-ce que vous savez à peu près combien de tonnes vous ramassez chaque année? L'année dernière, j'étais à 200 tonnes de ferraille et 80 tonnes de métaux. Entre le cuivre, l'alu, le zinc, les batteries, enfin tout, quoi. Tous les métaux mélangés. Après, vous avez des métaux que nous, on n'a pas dans la région. Mettons, vous allez à Paris, il y a le mercure, il y a le titane, il y a le nickel. Ça, c'est des métaux très chers, mais on n'en trouve pas dans tous les coins de rue. C'est des usines spécifiques. Et ici, il n'y en a pas. Et ici, chez nous, le métaux le plus cher, ça doit être le cuivre, quoi, à peu près. C'est 4 euros le kilo, et moi, je le revends 5, quoi. Vous, ça vous plaît? Ou vous n'êtes même pas posé la question parce que c'est quelque chose? Moi, c'est un métier qui me plaît. Moi, je sais, de toute façon, je sais faire que ça. En mettant à l'œil, je peux vous dire combien il y a de tonnes, combien il y a, à 2 tonnes près sur des gros lots, je me trompe de 2-3, des fois 4 tonnes, mais pas plus. Donc là, il y a combien de tonnes devant nous? Là, il doit avoir, en platin, il doit avoir à peu près 2 tonnes, et la voiture, elle fait 1 tonne, il doit avoir 3 tonnes, 3,5 tonnes en tout, à peu près. Voilà, allez. Ça, c'est le grutier. C'est Mich. Là, les freins, ils ont pris feu. Hein. Non, je roule doucement, moi, toujours. Regarde comme ça fume. Ça va? Alors, mec, bonjour. Ça, c'est Michel Grutier, ça. C'est ça. Je suis Rémi Quimper. Voilà. C'est le meilleur Grutier qu'il peut avoir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, là? Charger. Du coup, charger le platinage et la voiture. Charger le platinage. Et du coup, bah, André... Il va chez tous les clients. Il a son secteur. Moi, j'ai mon secteur. Il nous regroupe tout ce qu'il trouve à droite, à gauche, qu'on ne se déplace pas pour des petits tonnages. Il faut qu'on ait quand même des chineurs pour centraliser ça. Si vous voulez, nous, on les ferrailleurs, mais on est rabatteurs. Et quand il a de quoi remplir un camion, il nous appelle. Donc, comme il a un secteur assez étendu, parce qu'il est quand même sérieux, il a les assurances et tout pour faire les chantiers de démolition. Donc, pour nous, c'est un gage de sécurité, quoi. Et pourquoi, eux, ils ne vont pas directement chez le grossiste, par exemple? Parce que André, il fait quand même son tri dedans. Moi, je fais il mon tri. Il sépare le platin, la cisaille. Nous, on a juste qu'à remplir une benne de cisaille, une benne de platin. Faut trier. Parce que si on va chez le client, il y aura un peu de perte parce que tout sera mélangé. Voilà. Donc, il n'aura pas le même prix que si on achetait un lot de cisaille ou de platin. Et chez un particulier, par exemple, genre moi, chez moi, dans mon appartement, avec une vie normale, un frigo, enfin voilà. Ouais. Si je désosse tout, je peux récupérer combien de ferraille? 10 balles. Et encore, il faut du volume. Ouais. Elle vient d'où alors la réputation que les ferrailleurs gagnent bien leur vie? C'est une réputation, c'est déjà étudié ça. Et les temps ont changé aussi. Ah oui. Il y a 20 ans, c'était le cas, mais maintenant, il y a quand même une concurrence assez forte. Il y a 20 ans, moi, 20 ans, les gens ne déclaraient pas comme ils déclarent maintenant. Il y avait de la magouille, il n'y avait pas de la magouille. Pas de la magouille, je veux dire, mais si vous avez encaissé, mettons, 2000 francs à l'époque, vous n'en déclarez que 500. Que maintenant, lui qui fait ferraille, il est obligé de tout déclarer, c'est que des chèques. Moi, pourtant, j'ai le registre de commerce, ils me connaissent. Je suis obligé de dire la provenance d'où ça vient. Parce que nous, dans notre société, on a un livre de police. On enregistre tous les achats. Et ça peut être contrôlé à n'importe quel moment. Donc voilà. Il faut qu'ils aient quand même une petite assurance de la provenance. Sinon, ça va poser un risque quelque part. Samuel Lecoeur, président de l'association des Bifins d'Île-de-France. Il y a eu des études qui ont été faites sur l'apport des ferrailleurs à la ferraille. Enfin, il y a plutôt eu des questions faites aux industriels qui rachètent la ferraille. Certains en Île-de-France disent que ça va de 30 à 50% de leur apport. C'est des ferrailleurs indépendants. C'est là aussi où ils gagnent le plus parce que certains ferrailleurs ne trient pas. Ensuite, les ferrailleurs Bifins collectent énormément. Il y a à peu près 1000 camions en Île-de-France qui tournent tous les jours pour récupérer la ferraille. Donc c'est beaucoup plus que le nombre de collecteurs, par exemple. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce travail en particulier qui est de faire la ferraille? Qu'est-ce que ça veut dire faire la ferraille ici en Île-de-France? Faire la ferraille, ça veut dire récupérer, amasser des trucs pour vivre de quelque chose, quoi. Ça veut dire récupérer dans la rue tous les bouts de câbles en cuivre. Alors par exemple, tous les Bifins, quasiment 99% des Bifins récupèrent le câble en cuivre. Ils voient un objet abandonné, électrique, électronique, informatique, ils coupent le câble, ils vont vendre le câble à l'industrie quand ils en ont un petit sac. C'est un peu la banque des Bifins. Quand il n'y a pas de marché, ils vont vendre du cuivre. Les ferrailleurs, eux, font ça, quoi. S'ils voient des objets, des trucs prêts à revendre au marché, bah, ils le récupèrent aussi. Donc c'est pour ça qu'on parle de Bifins ferrailleurs, quoi. Vendeurs aux puces et recycleurs de métaux. La particularité de notre métier, c'est que tout le monde est potentiellement notre client. Didier Monnier, recycleur. Puisque à partir du moment où vous rentrez dans une zone industrielle, tout industriel ou tout commerçant génère un déchet. On travaille avec tout le monde. On travaille avec le particulier, on travaille avec le forain qui va chiner de la ferraille un peu à droite à gauche. On travaille avec l'artisan plombier, le couvreur, le petit commerçant du coin de la rue, et jusqu'à la grande distribution, les gros industriels comme Citroën, des grosses boutiques comme ça. Et on travaille du kilo au millier de tonnes. On a un logiciel informatique très souple pour ça. C'est-à-dire que on est autorisé à acheter aux particuliers, aux forains, on est autorisé à lui acheter les métaux qu'il veut nous apporter, les 3 kilos de cuivre qu'il a trouvé dans son grenier ou les 2 vieux morceaux de tuyaux de plomb quand il a changé sa robinetterie. Il y a des tarifs qui sont déterminés en fonction de nos prix de vente, bien sûr. Et aujourd'hui, 1 kilo de cuivre, ça vaut 4,50 €. Si vous en apportez 10 kilos, et 10 kilos de cuivre, c'est fait, c'est toujours 45 €. Que représente ce marché? Qu'est-ce que vous sortez pour... Alors oui, les sommes qu'on a dépensées, sur l'ensemble de nos sites, on a dépensé jusqu'à plus de 1 million d'euros par mois dans cette partie achat particulier. Et le gouvernement ne s'est pas trompé, puisqu'il nous a mis une obligation de déclaration des sommes versées, puisqu'il y a des gens qui en font réellement un revenu, quoi. Moi, il y a des gens à qui je donne 50 000 euros par an. Ça arrive régulièrement. Comment vous voyez-vous ce travail de petit récolteur? C'est une partie de notre métier qui tend à aller un petit peu en diminuant quand même. Mais c'est une partie de notre métier et c'est surtout des flux qui autrement qu'on pourrait avoir du mal à récupérer, quoi. Je pense que ça tendra à se marginaliser. La seule chose qui restera, c'est éventuellement le particulier qui a mis de l'ordre et qui lui n'en fait pas commerce, c'est juste qu'il veut se débarrasser. Les humains recyclent de manière assez constante depuis l'origine. Dominique Maguin, président de la compagnie des matières premières. Pour recycler, être capable de réintroduire dans un cycle de consommation, de production, un cycle d'économie, un cycle de vie, il faut d'abord avoir récupéré. Or, toutes les traces de la vie humaine sur la planète nous prouvent qu'on a toujours recyclé depuis l'homme des cavernes, depuis les champs de bataille de Jules César à aujourd'hui. On a toujours cherché à récupérer de la matière et à la réutiliser, la réemployer d'une certaine façon. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, toutes les périodes de grande crise sont des périodes d'accélération de cette récupération-recyclage. En temps de guerre, bien évidemment, on comprend tout de suite qu'il y a des incertitudes sur la capacité à se déplacer en tant que personne, mais en tant que bien économique, et que par conséquent, souvent, les flux logistiques sont interrompus. Donc, bien évidemment, on met en œuvre une économie, j'allais dire, de crise, de guerre, qui consiste à réutiliser au maximum tout ce que l'on a à sa portée. C'est le manque qui fait souvent trouver la solution pour être capable de recycler à nouveau des matières. Le premier texte que j'ai trouvé qui donne obligation de collecter les papiers imprimés pour pouvoir les recycler, c'est finalement un décret de l'Assemblée constituante, c'est-à-dire la jeune République, c'est 1794. L'Assemblée constituante se préoccupe de ce sujet parce qu'elle a besoin d'avoir du papier pour imprimer les lois qu'elle va prendre et qu'elle va devoir porter à la connaissance de la population. Et donc, elle rend obligatoire la collecte de tous les papiers qui ont été déjà utilisés, lus et qui n'ont plus l'usage pour qu'on puisse les refondre, refabriquer de la pâte à papier, du papier, pour pouvoir à nouveau les imprimer. Donc, vous voyez, c'est toutes ces histoires-là, finalement, l'histoire de la récupération. Ben, ça évoque aussi, bien évidemment, des histoires qui sont liées à des familles, des héritiers, si j'ose dire, de familles qui venaient de ces métiers de la rue. C'était pas complètement toujours glorieux. Et c'est des gens qui vivaient la nuit parce qu'ils étaient obligés de vivre la nuit, parce que les arrêtés municipaux, les arrêtés préfectoraux leur imposaient de collecter ce qu'ils devaient récupérer. Alors on parlait de faire la chine, littéralement se casser le dos, s'échiner, on faisait la chine. Et finalement, ces chineurs, ces biffins, comme on les appelait aussi, c'était des petites gens qui allaient s'approprier ce que les gens aisés, plus aisés, mettaient au rebut. Et dans tous les pays, j'allais dire, il y a des histoires autour de ces familles qui ont constitué les grands maillons, qui ont donné naissance à l'industrie, finalement, du recyclage, que ça soit en France, mais que ça soit dans tous les pays d'Europe, mais aussi en Asie, où ça se développe énormément aujourd'hui. Alors, il y a pas mal de facteurs qui expliquent la lente disparition des chiffonniers. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que c'est une disparition un peu en trompe-l'œil et un peu en demi-teinte. D'abord, il y a un contrôle et une sorte d'inquiétude par rapport aux chiffonniers qui existent tout le temps. Dès 1828, la préfecture de police de Paris oblige les chiffonniers à porter une médaille, c'est-à-dire qu'il faut être accrédité en quelque sorte. Ça va être pareil pour les ferrailleurs, les brocanteurs, etc. On a quand même tôt l'idée que ce sont des métiers un peu interlopes, un peu douteux, des gens qui rôdent la nuit, qui pourraient être tentés par le vol, et puis qui pourraient faire du trafic, qui pourraient tomber sur tout un tas d'objets, des clés, des revolvers, etc. Donc on les contrôle. En même temps, dans l'imaginaire de la police, des édiles, il y a l'idée que c'est un métier archaïque et que c'est pas, ça ne correspond pas à une modernité de la ville. Donc on va contraindre et surveiller de plus en plus les chiffonniers. Il y a une étape qui est importante, c'est effectivement l'arrivée des poubelles, c'est-à-dire des boîtes à ordures, qui vont être normalisées en 1884 par le préfet poubelle. Et ces boîtes à ordures, on va d'abord on va demander que ce soit des boîtes fermées. Ensuite, on va demander aux concierges de les conserver, de les sortir au dernier moment. Voilà. Donc ça freine un peu. Ça complique l'économie des chiffonniers. Mais finalement, ils vont rester, ils vont durer parce qu'on a toujours, on a de plus en plus de déchets même. On en a toujours besoin dans l'industrie. Ce qui va reculer, ce qui va faire que petit à petit, au XXe siècle, le chiffonnier recule, c'est mais c'est assez récent, en fait. C'est aussi la mise en place de circuits beaucoup plus organisés du tri des matières. Et en fait, notamment, le fait que les concessionnaires privés qui vont passer contrat avec la ville pour ramasser les ordures. Alors ça, il y a des kilomètres de délibération depuis le 19e siècle, notamment pour la ville de Paris, mais c'est vrai pour toutes les villes. Ces concessionnaires privés vont vouloir valoriser ces déchets. Donc, vont essayer de garder la main sur ces déchets. Sont payés pour récupérer ces déchets, mais vont aussi les revendre eux-mêmes, les trier, les revendre. Donc il y a un processus comme ça, d'une sorte de privatisation des déchets, qu'on connaît encore aujourd'hui, hein, finalement, qui va, petit à petit faire disparaître les chiffonniers. Et donc, voilà, une sorte de normalisation. Et puis, effectivement, du côté de l'industrie, de plus en plus, on va trouver d'autres sources de matières premières. Par exemple, le papier chiffon disparaît pour le papier fait à base de pâte de cellulose dans les années 1870. Et en gros, à partir du 190, on fait quasiment plus de papier chiffon, sauf pour des belles éditions, mais sinon, c'est du papier de cellulose. Donc on a beaucoup moins besoin de chiffon. Du côté du recyclage, de la laine Renaissance, etc., petit à petit, on a les textiles synthétiques qui vont arriver, qui vont remplacer. Enfin, petit à petit, l'industrie se réorganise, notamment par la chimie, la grande révolution chimique du second 19e siècle, et qui fait qu'on a moins besoin de ces déchets, on a moins besoin de dépendre de ces réseaux. Bon, et puis un dernier élément qui va compter, bien sûr, c'est l'hygiénisme croissant au 19e siècle, qui fait quand même qu'on s'inquiète beaucoup des maladies qui pourraient circuler par ces poubelles et par le fait de fouiller les poubelles. Et donc on va de plus en plus contrôler cette activité, contrôler aussi de plus en plus le stockage, parce qu'il y a le fait de fouiller dans les poubelles, mais aussi de stocker après chez soi parfois des monticules d'eau, de vieux tissus, de vieux chiffons. Voilà, et ça va être la même chose avec les fripiers, enfin avec tout un tas d'autres métiers de récupération. On s'en inquiète, et dès qu'il y a des épidémies, il y en a régulièrement, on va parfois interdire aux chiffonniers de travailler, fermer les lieux de stockage. Enfin, voilà. Samuel Lecoeur, vous êtes directeur de l'association Améliore. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain? Un peu par hasard, en fait. J'habite Montreuil et je travaillais à Belleville à l'époque. Et deux fois par jour, quasiment tous les jours, je voyais des scènes de répression. Moi-même, je suis habitué des puces depuis que je suis petit, quoi, parce que j'y allais avec mes parents. J'aime bien chiner, fouiller, regarder, trouver des objets rares. J'ai toujours eu conscience que je pouvais donner de l'argent à des gens qui en avaient besoin et pas forcément à d'autres. Que donc le choix d'acheter de l'occasion et le choix de donner de l'argent à des gens qui travaillent, moi, m'était naturel, comme beaucoup de Parisiens. Et voilà, ce spectacle de confiscation, de spoliation, des policiers qui, sortis du métro, disent « Non, non, les Roumains, vous n'avez pas le droit de sortir, rentrez chez vous », des femmes avec enfants qui se faisaient pourchasser. Enfin, il y a des spectacles d'une violence telle que, en fait, ça me rendait malade, quoi, de voir ça tous les jours. Voilà, le jour où je voulais acheter un truc et qu'un policier l'a mis dans la benne, je me suis dit, bon là, si j'ai même plus le droit d'acheter à côté de chez moi un truc d'occasion, c'est dégueulasse, quoi, il n'y a pas de mot à dire. Donc du coup, j'ai fait des photos de ces marchés, pendant qu'ils étaient plus ou moins tolérés, j'en ai fait une expo de photos, et j'ai rencontré les biffins en lutte de la Porte Montmartre, qui vivaient pareil, depuis 2005, la mairie finance des bennes à 180 000 euros par an, les bennes privées, pour détruire les affaires confisquées sans inventaire par la police aux biffins. Donc là, à Porte-Montmartre, il y avait une situation encore plus violente que j'ai photographiée, fait des expos. Puis quand ils ont obtenu 100 places, ils m'ont demandé de faire la même chose dans le 20e. C'était en 2009, de demander la même chose, d'organiser la même lutte dans le 20e. Donc c'est ce qu'on a fait. Et comme il n'y a pas eu d'avancée, je me suis recyclé dans le métier de gestionnaire d'assaut, quoi, en fait. C'était un peu un hasard. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe sur ces marchés? Quel est le chiffre d'affaires à peu près d'un biffin quand il vient vendre? Alors, quand il vend à la sauvette, il gagne très peu. Quand c'est organisé comme un croix de chavaux, il y a beaucoup d'acheteurs. C'est rempli, quoi. C'est un succès à chaque marché. Les biffins gagnent plus. Alors, ça dépend. Si quelqu'un a pris un mètre, est retraité, vend des affaires sans grande valeur, pour avoir une activité sociale, rencontrer du monde, des voisins, faire partie de la cité, entre guillemets, ces personnes gagnent 50 euros peut-être, ou 60 euros. Il y a des personnes qui prennent plus de mètres, qui ont de la meilleure marchandise, et donc du coup, eux, ils peuvent gagner 200, 300, 400 par jour de vente. On a fait une étude il y a 2 ans sur la contribution à la réduction des déchets par le marché des biffins à Croix-de-Chavaux. On s'est aperçu qu'il y a des biffins qui venaient avec 200 kilos en caddie, à pied, des caddies rafistolés. C'est notamment le cas de certains de la communauté asiatique qui habitent à Bagnolet, à la noue. Ils prennent la descente avec leur caddie. Avec 200 kilos, ils repartent généralement avec 100 kilos d'un vendu. Il y a donc 20 tonnes de présentés à la vente par jour de marché. Il y en a 5 ou 6 de vendus, 5,7 d'après l'étude de vendus. Nous, on est à peu près 2 tonnes de récupération de réemploi et de recyclage en fin de marché, surtout recyclage, ferraille et textile. Du coup, sur un marché par jour, il y a une bonne filière de réemploi et de recyclage d'environ 8 tonnes, ce qui est beaucoup. Et ça permet donc à 200 bifins, d'après l'étude, de gagner 25 000 euros, quoi, divisé par. Donc ça fait plus de 100 euros par personne. C'est pour ça qu'on dit que les bifins sont à la base du zéro déchet, parce que c'est une masse de travailleurs qui demandent qu'à travailler. Ils sont combien en France? Ils sont plus nombreux que les éboueurs. En Ile-de-France, il y a 2500 éboueurs, je crois, à Paris. Il y a 3000 bifins en Ile-de-France et 2000 ferrailleurs. C'est une économie qui ne paye pas de taxes, donc ça ne rapporte pas à l'État. Donc beaucoup de gens disent « Ah ben si ça apporte rien à l'État, c'est sûr que jamais il permettra ». On prouve que non seulement les marchés rapportent à l'État, parce que quand on crée 25 000 euros, a priori, tout part dans l'économie réelle, dans l'économie locale. Il n'y a pas beaucoup de délinquants de l'évasion fiscale chez les bifins. Il y a des choses qui relèvent de la compétence des élus et qui doivent eux aussi se mettre au travail. S'ils étaient aussi courageux et aussi travailleurs que les bifins, on n'en serait pas là. Ce qui se passe dans les années 70, c'est que les poubelles débordent, hein, pour le dire simplement. Ces trous qu'on a remplis tout au long du XXe siècle arrivent à saturation. Il y a tout un tas de rapports qui font état du fait que les espaces disponibles pour accueillir en aval de la production ces quantités de déchets commencent à se tarir. Et on se rend bien compte, à partir de cette période, qu'on ne va pas pouvoir, ad vitam, pour l'éternité, remplir des trous et les reboucher. Donc il va falloir développer des solutions alternatives à cette logique du tototrou. Et donc, sous couvert d'arguments écologiques, on va développer des stratégies, non pas pour diminuer les quantités de déchets produits, même si c'est bien souvent ce qu'on raconte, notamment au tournant des années 80. Il s'agira moins de réduire les volumes de déchets produits que de trouver de nouveaux exutoires, de nouveaux dispositifs de disparition de l'ordure. Et ce sera des dispositifs qui vont être utilisés, comme celui de l'incinération, hein, qui existe dès le 19e siècle, mais qui était trop coûteux à l'époque, mais qui redevient à la mode dans les années 70 quand il s'agit de ne plus faire que remplir des trous. On va aussi développer tout un tas de solutions autour du recyclage industriel des matériaux, en se focalisant sur la part valorisable économiquement du gisement de déchets. En l'occurrence, les papiers, les cartons, les métaux et un peu plus tardivement les plastiques. Et en mettant de côté le problème principal que posent nos déchets, qui sont les résidus organiques. Incinérer un déchet organique, c'est brûler de l'eau. Et 40% en gros du poids de nos poubelles est constitué de ces déchets organiques. Donc 40% de ce qu'on incinère, peu ou prou, c'est faire bouillir de l'eau. Donc peut-être que si on avait été suffisamment courageux ou lucide en disant dans les années 70, l'enjeu est de s'intéresser d'abord et avant tout à la façon dont on sort du gisement de déchets, cette part organique, peut-être que la trajectoire technique dans laquelle on est engagé aujourd'hui serait très différente. Le chiffonnier, dans le texte de Benjamin, sur les passages parisiens notamment, il est celui qui collecte des fragments éparpillés du temps et qui essaye justement de les composer pour dresser ce que Benjamin appelle une sorte de portrait critique de la société ou des temps présents. Il y a dans cette attitude, dans ce rapport que le chiffonnier entretient avec les restes, quelque chose qui me semble être une antidote ou en tous les cas une sorte de contre-modèle à cet idéal type de l'éco-citoyen que j'ai essayé de raconter aussi, qui est en fin de compte le bon jeteur, celui qui jette bien dans la bonne poubelle. Hein, le chiffonnier, c'est peut-être lui qui nous indique qu'en retrouvant une relation directe à nos déchets, la possibilité de s'emparer de ces déchets comme d'un matériau politique, comme d'un matériau critique vis-à-vis précisément des systèmes de production, de consommation, des systèmes économiques qui sont à l'origine de cette surproduction de déchets, et bien c'est peut-être en se faisant chiffonnier que le déchet peut retrouver cette espèce de position de matériau politique. Je mets ça à la bascule, tu vois. Soulager le poids de la voiture. Voilà. Vous déduit. Maintenant, le platin qui est en dessous. Et j'aurai la dernière pesée pour avoir les deux poids. Voilà. Allez. Là, tout le temps que tu vois là, c'est pas de la ferraille, c'est du platin. La ferraille, elle commence après le bac. Et là, le platinage, c'est de la ferraille avec un déchet dessus. De la mousse, du plastique, du caoutchouc, tout ça, ça va être trié. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est... Non, broyeur. Dans un broyeur. Ça va séparer les matières. Chaque tas va dans un transfert différent, en fait. Et souvent les acheteurs. Parce que là, il y a la cisaille, ça va beaucoup en Turquie en ce moment. Aussi des fois. Ouais. Alors que les métaux, c'est beaucoup en Chine, Belgique, Italie. On va passer la demande. Pourquoi on appelle ça la cisaille ? Parce que c'est la ferraille à cisailler. Voilà. Plus la ferraille est épaisse, plus elle aura de la valeur en fait. Parce que là-bas, c'est la fonderie préfère les pièces épaisses. Ça, il y a moins de pertes en fait que de la ferraille fine comme ça. L'enjeu, c'est pas de produire un produit d'une façon X parce que ça coûte pas cher, parce que ceci, faut intégrer dans la fabrication du produit son recyclage dès le départ. Et si on peut le faire avec un seul plastique au lieu d'en mettre trois, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Faut juste développer des exutoires, c'est-à-dire qu'il faut faire des produits qu'on peut facilement recycler. C'est ça l'enjeu. Avant, la force du récupérateur, c'était de connaître des débouchés spécifiques qui permettaient d'expédier des déchets dans un certain endroit et on gardait secret nos débouchés, c'est-à-dire que on livrait une telle usine et on savait qu'ils prenaient telle qualité et c'était ça, c'est complètement fini. En vérité, notre fonds de commerce, c'est-à-dire nos exutoires, on est obligé de les donner, c'est une obligation légale et nos fournisseurs clients peuvent exiger de connaître nos débouchés, ce qui devrait faire retourner dans sa tombe mon oncle ou mon grand-père, quoi. Jamais mon grand-père ou mon oncle n'aurait donner le nom de ses débouchés, quoi. Tu vas faire la ferraille plus tard, toi ? Et alors, c'est votre plus grand-fils ? Ouais, c'est mon plus grand. Il s'appelle André, comme son père. Junior. Le plus grand, il m'aide. Même le petit, il m'aide. Mais après, c'est... Ça veut dire quoi, il m'aide ? Ben, des fois, je vais m'amuser à trier, à démonter, il va me donner le temps de vie. C'est un petit coup de main de 20-30 minutes. Après, ils pensent à s'amuser à l'orage. Mais il me donne un coup de main quand même. Ben, d'ici 3 ans, je pense qu'il va se reconnaître toutes les matières. Ah oui, j'aimerais bien que mon fils se reprenne de ma société. Oui. Ce serait un bonheur. Le temps des chiffonniers. Avec Michaela, Samuel Lecoeur, Baptiste Mont-Saint-Jean, Dominique Maguin, Manuel Charpie, Didier Monnier, André Jacquin et Michel Goas. Prise de son, Georges Thau, Laurent Macchietti et Manon Houssin. Mixage, Régis Nicolas. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier et Mathias Mégy. Ce qui reste, Vie et mort des objets, une série documentaire de Laetitia Druard, réalisée par Anne Fleury.